tu vas? Nulle part, nulle part. C'est tout ce qu'il faut là? Ouais, bien. Emmène-le à l'hôpital. T'inquiète pas, maman. On va se faire une petite douceur. Recule-moi tout ça avec une poignée de gravier. Entre l'heure qu'il en est à ces bâtards. Les chiens mangent les chiens. Ils veulent faire les voyous, mais c'est v'là les salopes. On a tous vu que quand y'avait embrouille, t'es le premier qui galope. J'ai fait du sale, j'ai fait des choses que je pourrais pas dire dans mes sons. J'ai écouté mon ange de gauche car moi je me dis qu'il a raison. Hey. J'ai pas besoin d'équipe, moi je suis souvent sopère. Mais si je retombe en chien de liquide, bah je te dirai que tout va super. Tu parles de love, mais t'as pas palpé de cash. On va te soulever ta mère au troisième étage. Pour tout casser, je me mettrai pas à genoux. Frérot, j'ai la rage de vivre. J'ai vu des choses en bas de la tour qui sont pas marquées dans les livres. Une vie de cabochard, et on a su ces personnes. On regarde la mort dans les yeux un beau matin si notre heure sonne. Toujours la rage d'un pit, impossible de me canaliser. Ils sont tout mignons, tout gentils quand ils voient la banaliser. J'ai peur que du bon Dieu ici, pas personne me fait baliser. Leurs frangines sont devenues des putes, c'est pas leur faute comme malisée. J'ai pas le temps de donner du temps, car tu sais que le temps c'est de l'argent. N'est pas la rage, desserre les dents quand tu vois réseau, c'est rageant. Je développe au max mes capacités. Je veux pas vous inciter, faut que les balances qui dans les dépôts m'ont cité. J'ai pas le temps de donner du temps, car le temps c'est de l'argent. N'est pas la rage, desserre les dents quand tu vois réseau, c'est rageant. Je développe au max mes capacités. Je veux pas vous inciter, faut que les balances qui dans les dépôts m'ont cité. Je suis toujours un loup solitaire. Le soir, mon ange de gauche me chuchote, laisse ta folie faire. Et pourtant, j'étais solidaire. Mais depuis un certain temps, la trahison prolifère. Tout pour la mif et le reste, j'm'en tape. J'pars au de la nuit pour faire les 100 plaques. Cœur est scellé, j'ai forgé le mental. J'te donne nada si c'est pas rentable, non. La rue m'a pris mes sentiments, c'est devenu compliqué. Car quand la haine te braque poteau, faut savoir répliquer. Un cascara et un bruit de moteur qui démarre rapidement. Entre le traître et l'imposteur, dis-toi que les deux ils te mentent. T'es pas à l'abri de te faire fumer pour des vieilles histoires. Putain, j'suis nostalgique depuis l'époque du square. T'y peux déjà dans le regard, on était des terres. Car on savait déjà ce que c'était d'avoir des franges sous terre. C'est les épreuves qui m'ont forgé, qu'on fait de moi ce que je suis. Un homme qui lâche même pas une larme quand il marche sous la pluie. Parti de rien, un gosse qui a connu la zermie. J'ai zoné comme un galérien, solo pas d'amis comme Rémi. J'ai vu que l'oseille attire et le succès aussi. Ouais, est-ce que j'ai vécu le pire? C'est pas moi qui décide, non. Je viens d'un milieu où t'es condamné dès ta naissance. Petit, j'étais jaloux des gosses qui étaient dans l'essence. Avec le temps, j'ai vu que l'amitié n'existe pas. Et qu'entre l'amour et la trahison, y'a qu'un pas. J'ai confiance en très peu de gens, je suis toujours sceptique. Parce que les crises de nerfs peuvent me rendre épileptique. J'ai pas le temps de donner du temps, car le temps c'est de l'argent. N'est pas la rage, desserre les dents quand tu vois réseau, c'est rageant. Je développe au max mes capacités. Je veux pas vous inciter, faut que les balances qui dans les dépôts m'ont cité. Je suis toujours un loup solitaire. Le soir, mon ange de gauche me chuchote, laisse ta folie faire. Et pourtant, j'étais solidaire. Mais depuis un certain temps, la trahison prolifère. Tout pour la mif et le reste, j'm'en tape. J'pars au de la nuit pour faire les 100 plaques. Cœur est scellé, j'ai forgé le mental. J'te donne nada si c'est pas rentable, non.